et ça parle de rap. Mais je tourne en rond depuis bientôt 30 ans. J'ai traîné tard le soir, un pet au bec quand je voulais pas rentrer. On a fait le tour, nos vies défilent, c'est vide comme les lumières de la ville. On savait tous jouer sur le fil, c'est le risque si tu serres pas la vis. J'ai pas l'avenir, j'ai pas la vie d'artiste. Moi je bataille pour un smic, des pensées noires. J'ai vidé le sac, c'est vide, je me plains pour combler le vide. Trinqué à ma santé, ça sera sans moi. Là je ferai la fête à part, je m'en fume dans le ketama. Je prends le volant même sans la tête à Sam. Ça plie la prod en flic, flac, j'aiguise mes rimes et basta. Je fais le tour de la ville en zigzag, c'est niax de weed et jack. Là ça fait tic tac, on sent que le temps tourne comme une patrouille de bleu. On sème, on se fait du mal, on se déchire sur les embrouilles de bœuf. Bonjour tristesse, moi plus j'ai mal et plus je découpe de cesse. Du fond des couches au père, mauvais joueur, la Sam dégoûte de père. Héros, je découpe ce texte, j'écris dans le noir et tous mes genoux me bercent. On connaît tous le jazz, je rappe ma rage et puis je m'étouffe sur le père. Rêve pas de la vie d'Alida, mon rêve faut se faire à l'idée. Telle est la question, mourir debout ou vivre à l'idée. C'est pour mes couches tard, sauf plus j'casse, le vie c'est vraiment tentant. Un fat cap, un pull crade, flingue la ville avant de rentrer. Je fuis la bêtise humaine, mais je compte les miennes et je fais le résumé. Je suis coupable, présumé, sous sketch, je sais que mes démons ressuscitent. Le poids des soucis, on connaît tous, faut fuir la classe moyenne. Mande à Béni, nous on a bois, eux sont bons casse noyé. Elle coupe la prod, tu sais, moi j'aime quand la basse conne. Je suis bon qu'à me péter la voix comme celui qui réveille la basse cour. Les petits jouent avec leur vie, consomment des mélanges qui défoncent, confondent le bien du mal. Moi-même, je suis mi-ange, mi-démon, mais on parle pas de réussite, on va galérer pour l'avoir. Le soir, je rappe, j'ai des frissons comme quand Philippe pousse la voix. La prends de taf, au bout du ouin, je la mort t'attends. L'âme en peine, le cœur déchiré, si les frères marchent à tâtons. C'est la chronique dans tes tympans, la prod à mes surprises des nuques. Moi je m'en bats la race des vues, remballe tes putes et plus pimpantes. C'est le TAH sous THC qui plie ta prod, bon débarras. Là j'aime pas fouer vos règles, j'ai carte blanche comme Benalla. Retard.